Je traîne dans la rue, j'ai perdu le nord. Je n'ai plus d'attache, je n'ai plus de port. Je marche sans savoir, je ne sens plus mon corps. Je marche dans la rue, la ville s'endort. Un chez moi pour vivre en homme. Sweet home, je ne peux pas vivre sans toi. Le froid m'envahit, les nuits sont longues, le soleil a sursi. Un coin pour échauffer le fond de mon cœur, tout ce temps à passer. Je foule de mes pas ce sol de goudron, les parcs pour les enfants comme seule maison. Juste un grand jardin qui n'a pas de fond, à perte de vue, à perte sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi.